Elle s'ennuyait comme une poutine qui attendait sa sauce. Aujourd'hui, le lundi 27 juillet 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Avez-vous entendu et compris l'ampleur de cette ouverture qui disait à peu près ceci? Elle s'ennuie comme une poutine qui attendait sa sauce. Si c'est pas Brechtien, je sais pas quel univers on touche avec ça, là. Hein? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, aux terres comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre poutine de ce jour. Pardonnez-nous de nos offenses, comme ceux qui nous ont pardonnés. Et ne nous soumettons pas à la tentation, mais livrez-nous à votre grand royaume, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les culottes sont pleines. Donnez-nous notre poutine de ce jour. Donnez-nous notre poutine de ce jour. Donnez-nous notre poutine de ce jour. English guy, put some gravy on his fry. I say, why not try some cheese curd on? He say, no way Frenchie, that's just wrong. When I was a little boy, my brother break my favorite toy. Then my mother say to me, poutine chérie. La poutine. La poutine. La poutine. La poutine. La poutine. La poutine. La poutine, la poutine, la poutine. some are bad. Ask your mom, don't ask your dad. At McDonald's they are okay, but not as good as Le Chalet. Quand je me trouve dans la belle province, et je vois les filles si belles et minces, je mange ma poutine matin et soir. See, I was never sad when my mother made the poutine. It mean more to me than you know. The fame, the fortune, the girls, they can all suck on my rooster. Give me my poutine, goddammit. Tabernacle. Faut-tu s'ennuyer quand on se compare, quand on compare l'événement à une poutine? Hein? Ça, c'est sans doute le fromage, là. La patate frite est frite. La patate frite est frite. Pas frite et frite. La patate frite est frite. Le fromage est dessus. Elle attend un peu comme un jardinier que la pluie tombe. Donc, sa pluie à elle, c'est la sauce brune. Ou, si c'est une poutine italienne, sa sauce à spaghetti. Elle attend. Elle attend. Mais là, il faut le faire rapidement, là. Un peu comme l'appel, comment tu les appelles, non? Quand c'est, oui, l'alarme en vert, il faut que tu te dépêches. Parce que la frite va refroidir. Le fromage ne sera plus assez souple pour accueillir la sauce et ça risque de se terminer dans une boîte épouvantable. Et ce que l'on veut pas, c'est de manger de la boîte. Poète, pâté dans la boîte de pain, t'es de pute à poids de blanc, blanc. boîte parce qu'on savait pas que. Ben, on faisait de la nourriture familiale parce qu'on avait. Hey, on avait-tu de la famille à cette époque-là, dans ce temps-là? Il y en avait de la famille, il y en avait du monde. Hey, la mère devait s'occuper de ses 14 enfants, 15, 16, 18 enfants. Pendant les festivités de Noël et du jour de l'an, ça pouvait durer 3 semaines. Ça mangeait, ça buvait, ça parlait, ça jouait, ça riait. Hey, aujourd'hui, t'as un enfant et demi. Mais encore là, la moitié, tu veux pas le voir? Ah, non, non, il est pas terminé, là. Il en pas, non, non, il est venu au monde avant le temps, lui. Ah oui. Ça, on va remettre ça sa poutine. Non, on va voir, mais c'est comme si tu mettais ta sauce à poutine avant la patate frite puis avant le fromage, tu sais. Un peu comme ce que Claude Meunier avait fait, son célèbre pâté chinois, steak blindingue patate. Tu peux pas mettre la patate en dessous, le steak dans le milieu, puis le maïs en crème sur le dessus, c'est un simonac, c'est un crème. J'aime manger du pâté chinois avec la mayo, la mayo. J'aime manger du pâté chinois avec la mayo, la mayo. Ça va faire, c'est bien calculé, là, tu sais, ils ont demandé à des contremaîtres, hey, comment on va faire ça, là, un mets rapide, là, pas trop compliqué, pas trop cher pour nourrir nos Chinois qui viennent faire nos trains de chemin de fer, là, hein, on en a du bœuf, nous autres, au Québec, on en a de la patate, on en a du maïs, on va trouver quelque chose. Là, il y a une mère qui s'est levée, ah, mais j'ai peut-être trouvé la recette. La recette du millénaire! On va appeler ça du pâté chinois! Comment ça? Ben, c'est pour nourrir nos travailleurs qui viennent d'ailleurs, donc de Chine. Comment on a fait pour les faire, pour les amener chez nous? On a creusé jusqu'en Chine! Hey, on a-tu creusé? Hey, 2 ans à rentrer dans la terre pour sortir le premier chinois! C'est lui qui a passé le test du mets qui s'intitule aujourd'hui qui a un pain. Ben, on en fait. Chez nous, là, on fait ça au moins 2 fois par semaine, le pâté chinois. C'est bon. Puis il y en a même là, qui rajoutent des affaires, mais c'est pas la base première. Base première, là, c'est steak haché, blé d'Inde en crème et patate. Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je mets du maïs en crème, puis du maïs en crème. avec et sans crème. Comme ça, ça fait plus de maïs. Oh, c'est votre choix. Il y en a qui rajoutent même des petits pois. J'ai ça, moi, des petits pois. Je ne sais pas comment ils ont mis ça au monde. C'est pas mangeable. C'est vert, c'est gluant. Tu mets pas. Tu peux, heureusement, tu prends ça avec une cuillère parce que tes mains, ça glisse. Flum, flum, flum, flum. C'est comme si tu essayais de. Essayez mes signes, tiens. Hein? C'est comme si tu essayais d'attraper un cochon huilé. Mais là, aujourd'hui, en 2020, le pâté chinois est bien sûr bien huilé. On peut faire ça les yeux fermés. Dans un état second, pas obligé de réfléchir. Là. Tu fais revenir ton steak haché avec un peu d'oignon. Ça, c'est ma recette personnelle. Parce que les oignons, c'est bon partout. Moi, là, une vie pas d'oignon, là, j'en ai autant aux pieds que dans la bouche. Et puis, ça embrasse bien. Ah, mon Dieu, ça éloigne la sorcière, c'est comme l'ail, ça. L'ail, hein, c'est reconnu. Mange une gousse d'ail, t'auras pas d'amis, t'auras pas d'ennemis, il y aura personne. Tu vas être une zone sinistrée. Et bien sûr, tes proches vont souhaiter que tu rentres en communion avec un rince-bouche. Hey, vas-tu la rincer? Vas-tu la rincer? Ça n'a pas de bon sens, là, moi. Hey, il me parle, puis je pleure des yeux. Ah, monsieur de monsieur. Ah, lui, il n'y a pas un virus qui court après ce gars-là. Comme je le dis souvent, même les virus ne veulent rien savoir de moi. Pas d'hygiène buccale. Mange des mecs qui vont qui sentent tellement fort que même ses cheveux en pleurent. Hey, les cheveux, puis ils saignent, ils pleurent des yeux, ils essayent de se cramponner à la vie. Il est rouge comme une tomate pendant 2-3 secondes là, quand ils mangent son piment. Oh, on sent que ça bouillonne de l'intérieur. C'est presque l'implosion. Zagor. Tonton de Paris. Thomas Kim Kuti. Skovic premier. Cadence. Moi, je suis américain. Je ne mangeais pas le ketchup. Moi, je suis américain. Je ne mangeais pas la mayonnaise. Moi, je suis américain. Je ne mangeais pas le ketchup. Moi, je suis américain. Je ne mangeais pas la mayonnaise. Mettez-les, mettez-les, mettez-les, puis maille, bololo. Attaquer le poisson, le braiser, le bimander, bimander, bimander. Ma chérie m'a fait à manger, elle n'a pas mis le piment haut. Tu as fait à manger sans piment, il n'y a pas de goût. Oh. Mettez le piment haut, mettez le piment haut. Ah, le piment haut, mettez le piment. Mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment. Agricata, agricata, agricata, agricata, agricata, agricata, pam pam. Moi je suis américain, je ne mangeais pas le ketchup. Moi je suis américain, je ne mangeais pas la mayonnaise. Moi je suis américain, je ne mangeais pas le ketchup. Moi je suis américain, je ne mangeais pas la mayonnaise. Mettez-le, mettez-le, mettez-le pima et bouloulou. Mettez-le, mettez-le, mettez-le pima et bouloulou. Elle t'a fait à manger, elle n'a pas mis le pima, ça n'a pas de goût. Elle t'a fait à manger, elle n'a pas mis le pima, ça n'a pas de goût. Mon et moi, fait-il de si, bon moi de si. Sauce est doublé, tout ça là, mettez le pima, on va manger. Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. DJ Adolf. Ah, mettez-le, mettez-le, pima yo. Bragada, bragada, pima yo. Brigitte, brigitte, pima yo. Bragada, bragada, pima yo. Brigitte, brigitte, pima yo. Marugudugu zambrogo. Je ne mangeais pas la mayonnaise. Moi, je suis américain. Je ne ne mangez pas la mayonnaise. Mettez-les, mettez-les, mettez-les pimayo, bololo. Mettez-les, mettez-les, mettez-les pimayo. Maman checker le poisson, le braisé, le pimenté, pimenté, pimenté. Ma chérie m'a fait à manger, elle n'a pas mis le piment haut. Tu as fait à manger sans piment, il y a pas de goût haut. Mettez le piment haut, mettez le piment haut. Ah le piment haut, mettez le piment. Mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment, mettez le piment. Agricata, agricata, agricata, agricata, agricata, agricata, pam pam. Moi ici à Virigan. Jamais prendre de l'eau. L'eau n'arrête pas le côté brûlant. Donc, le mieux, c'est de prendre du petit pain. Tu prends une petite croûte de pain, là, tu bâches ça. Puis ça va enlever tout le petit côté là, qui brûle et qui nous fait prendre conscience de toute la sensibilité de notre bouche. Parce que c'est fragile, ça, là. On appelle ça des papilles gustatives. Et c'est frais. Et ça, là, c'est à l'écoute de plein de choses. C'est là, la papille. Ça se parle entre eux. Là. On va manger un plat. Oh, mon Dieu. Puis ça se discute entre eux. Les papilles n'ont pas peur de se faire des comptes rendus. Puis il s'encourage. Oh, ça va bien aller. Ça va bien aller. Là, regarde, il va le manger, son pâté chinois. Ça va bien aller. Mais il a mis des oignons, bien trop de poivre là-dedans. Mais on se cramponne, les gars. On se cramponne parce que des papilles. Est-ce que ça peut être des filles aussi? Des gars. Pourquoi je dis que des papilles gustatives seraient masculines? Parce que c'est une papille, c'est féminin. On va dire que c'est des filles. C'est plein de petites. De jeunes filles, là. Fébriles. Quand c'est un nouveau mai, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils sont à l'écoute. Qu'est-ce que ça va donner? Hein? Est-ce que ça risque d'être intéressant? Est-ce que ça va nous traumatiser à vie? Et là, tu goûtes. Et c'est à ce moment précis que ça passe ou ça casse. Mais quand ça casse, ils s'excusent pas, eux autres, là. Mais dans leur tête, hein, ben, parce qu'ils ont des têtes, les papilles gustatives, c'est un peu comme un spermatozoïde, là. Il y a une petite réflexion qui se fait, là. Et puis, elle se dit, j'espère qu'il va s'en rappeler demain, puis ils nous feront pas manger la même affaire. J'espère qu'il va être plus prudent, puis il va mettre moins de poivre. J'espère, tu sais, c'est toujours de l'espérance. Et si c'est très bon, ils se disent, j'espère, toujours le j'espère, parce qu'ils sont très forts sur le j'espère, là. Ah, l'espérance fait vivre la papille. Ah, mon doux Seigneur. Qu'on se le dise, là. Pas de papille, pas de souhait, pas de réflexion, rien. C'est pour ça qu'un plat terne, hein, ce qu'on peut manger dans les hôpitaux, pas bon, c'est pas bon. Tout est terne, manque de sel, manque de poivre, manque de sucre. C'est trop, c'est trop liquide. C'est pas assez consistant. Je dirais que le chef cuisinier dans les hôpitaux a tout le temps raté sa recette. Pour ça que t'es malade et tu restes là longtemps. Tu te rends complètement... Tu te finis l'estomac parce que tu vas à l'hôpital. Puis tu dois normalement être là pour te remonter et prendre des forces pour en sortir le plus vite possible. Puis là, attends-toi pas, tu peux te commander de la bouffe, toi, là. T'es à l'hôpital, là. Les livreurs de resto n'aiment pas l'hôpital. Parce que ça leur rappelle des clients qu'ils ont envoyés là. Oh oui, là-dessus, on avait mis ben trop de sauce piquante. Hein? Quand Johnny s'est brûlé l'intérieur au troisième degré, là, il a presque voulu nous traîner devant la justice Mais c'est toi qui choisis, hein? On te le dit. Prends ça pas trop, mais ça pas trop. Tu risques de le regretter. Ah, comment, non, moi, comment, moi? Comment, ah, moi, là, regarde. Quand c'est pas assez pissé, là, ça me rend pas heureux. Avec tes yeux qui regardent mes yeux, avec ta voix, ça ressemble à moi. Avec tes yeux, avec ta voix, tu mets le feu dans mon cœur. Avec tes mots qui résonnent dans ma tête, et tes idées, oui, c'est ma fête. Avec tes mots et tes idéaux, tu mets le feu dans mon cœur. En regard de toi, oh oui, m'en fous. Regarde-moi, oui, je suis sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou, fou, fou. Avec tes nuits, abritant de notre amour, avec tes jours, préparant ces nuits, c'est fini, je suis pris, oh, c'est pour toujours le feu de l'amour, yeah, yeah. Sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou, fou, fou. Avec ces nuits abritant de notre amour, avec tes jours préparant ces nuits, c'est fini, je suis brio, j'ai pour toujours le feu de l'amour, yeah! Fait que là, y en a mis. Hey, la cuillère penchait pour pas recevoir cette sauce pimentée-là. À l'échelle de pigmentation, là, sur 10, c'était 27. C'était du jamais vu. Puis en plus, on prenait ce mets-là, c'était un mets cambodgien. Mais je pense que c'est un des seuls qui est vraiment là, qui fait fondre tous les ustensiles. Et on buvait ça avec un petit bourjolais. Un petit rouge. Bourgeois rouge. Troisième jeudi du 11e mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois. C'est l'événement de l'année. On s'en fout si c'est de l'arnaque, comme on n'a pas de volonté. Le vin en vrac nous mettra en vrac. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Il y a des carreaux sur les nappes, des verres qui tiennent pas sur leurs pieds. Ça sent bon la dernière étape, ça sent fort la ligne d'arrivée. Pendant qu'on coupe le saucisson, Jeff qui a failli tout faire valser, réclame un air d'accordéon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Au comptoir sortent les voilides. Garçon, à ballon s'il vous plaît. Patron, ma gourde est vide. Y'a de l'instit et du plombier. Autour d'un jus de bananier, farci de vieux bonbons anglais, yes. Dès que le rouge vire au violet, le Beaujolais nouveau est arrivé. De bois, au nom du repos du guerrier. Jeff grave et la main sur le foie, rêve d'un lendemain férié. Demain, vu que ça se verra, on se dira vous en étiez autour d'un verre de soda. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Ah, c'était délicieux. Le Bourjolais était vraiment à la fine pointe de mes attentes. Mais pour ce qui est du plat principal, oh, je ne suis pas prêteur pour ce genre de recette. Déchire ça, puis ne retrouve plus ces papiers qui risquent de nous rendre aussi tristes qu'au premier jour quand tu l'as essayé. Tu peux te placer là-dessus en te disant, ben, je vais évoluer, je vais agrémenter pour rendre cette recette-là un peu plus intéressante à chaque fois que je la fais, la modifier. Hein? Des fois, c'est juste une petite chose qui fait en sorte que ça devient un mets exceptionnel. Mais quand tu réussis pas, fois après fois, essai après essai, et puis que tu n'oses même plus prendre l'ustensile pour te la rendre à la bouche parce que tu sais déjà ce que ça va donner. Mais il faut vivre dangereusement dans la vie. Il paraît. Ouais. Puis vous, comment ça se passe l'été? Avec les enfants? Pas de piscine? Vous avez un bain? Moi, là, je suis habitué. Ça fait 30 ans que je prends des douches. J'ai pas pris un bain depuis au moins 30 ans. Ah, je suis propre, là. Prends des douches. Parce que tous mes appartements n'en ont pas. Mais un jour, je me suis dit, peut-être que ça fera partie de mes exigences. Si je trouve un appart, il faut que celui-là possède un bain. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. D'abord, on lave le savon qui n'est jamais bien propre. Mais il glisse au fond de la baignoire et on ne le revoit plus. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Avec le gant, faudrait se laver le cou, mais ça chatouille. Alors on lave le carrelage et on le fait briller. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Mon petit frère sort souvent de l'eau pour me montrer ses fesses. Après, il se laisse tomber, on dirait un hippopotame. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Avec les mains, on fait des vagues comme dans la mer. Avec les pieds aussi, et ça éclabousse partout. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. On nage comme les petits poissons, on met la tête sous l'eau. Et comme les baleines, on ressort en soufflant très fort. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Papa rit pas, maman non plus, ils ont pas l'air contents. Faut dire que de l'eau y en a partout autour de la baignoire. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Quand on prend notre bain, quand on prend notre bain, on s'amuse bien. Mais pour le moment, on a une petite douche, ça fait du bien. Hein, donc, hein, ça me permet de chanter là, toute la pluie tombe sur moi. Mais moi, je vais comme si je ne les entendais pas. Hey, ça sent la caca. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux, pour qu'autant de pluie tombe sur moi soudain comme ça. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits, mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, et je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. Ah, oh, je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Vient le beau temps. Vient le bouton. Oui, oui, oui, monsieur, c'est exactement ça. Oui, on est coincé. Ben, en fait, on nous a amené près d'une piscine. Et puis, il y avait, là, ben, malheureusement ou heureusement, il y avait une paille gigantesque dans un cocktail. Et on est pris dans la paille. Oui. Moi, j'ai juste la petite orteil, mais vous savez que la semaine dernière, je vous ai parlé des pieds. Là. Moi, je vais voir les pieds, là, c'est dégueulasse. Mais, ouais, c'est ça, j'ai la petite orteil trempée dans le cocktail. Mais là, j'ai peur que la paille rentre plus puis que ça me noie. Pouvez-vous essayer de me sortir de la paille, s'il vous plaît, madame? Ouais? Ben, moi, j'ai pas accès à 911, là. Pouvez-vous appeler à ma place? Pour vous dire où se trouve le cocktail, puis à quelle piscine, c'est peut-être le plus important. Mais là, je sens que le liquide, c'est-à-dire que le cocktail, commence tranquillement à m'envahir. Là, je suis rendu au torse. C'est un cocktail que l'on appelle... Attendez, je vais demander à la jeune fille qui regarde dans la paille, parce qu'elle entend des voix. C'est moi, madame! C'est moi! Oui, j'ai été coincé dans la... M'entendez-vous? Insignifiante, une petite bourgeoise, ça. Mais... C'est un guillemette, c'est un guillemette. Puis là, il y a de la broue, hein? Pouvez-vous m'aider si... Ouais, aspirez! Moi, j'aspire pas à faire grand-chose de ma vie, là, mais ben, au moins de rester vivant. Alors, prenez votre bouche, j'ai suctionné! Elle m'entend pas. J'espère, je suis tout petit, puis elle est ben, pas grosse. Il faut pas dire ça aux femmes, elles aiment pas ça. Mais là, c'est comment je vais... Plongez pas votre peur dans le cocktail, madame. Ouais, elle, ça, c'est une bonne idée, ça. Attrapez la cerise avec le bout, comme ça, ça risque de... Moi, je vais me mettre les deux pieds sur la cerise. Puis après ça, je vais pouvoir monter un peu comme dans Batman et Robin, là, quand ils font du dos à dos dans une cheminée pour grimper. Mais moi, je sais, je suis tout seul, là, mais je vais me faire du dos à dos, j'ai plein d'amis imaginaires. Fait que piquez la cerise ça, sur la paille. Ça vous mettra pas sa paille, madame, là. Mais non. Vous en avez, en plus, vous avez une richesse intérieure indéterminée. Hein? Pardon? Oui? Bon. Alors, piquez! Non, c'est pas voler, piquez. Je veux dire, prenez votre paille et rentrez-la dans la cerise. Ouais, oui, attendez, je m'enlève la... Oui, allez! Oui! Bon, OK. Là, il faut juste que je grimpe, moi, là, au-dessus, pour pouvoir débarquer de la paille. Ah, ça va me mettre ça à la paille, ça. Ah, bon, douze. Non, mais toute l'énergie, hein, ça prend. Alors, oui, on y va. Oui, oui. Tournoyez, madame, arrêtez de tournoyer votre paille, là, puis, quand vous parlez, puis, en plus, elle me regarde pas, elle regarde pas sa paille, elle regarde au ciel, elle parle, ah, oh, ben oui, mais, oh, j'ai fait ma conquête hier, elle raconte ses histoires d'amour à sa belle-sœur, elle est pas belle, sa belle-sœur, puis elle peut pas avoir de beau monsieur comme elle, elle peut, ah, bon, puis ça la rend, oui, ça la rend. Ça la rend pas loin, mais ça la rend. Ah oui, elle est sur le bord de la banqueroute. Elle a pleuré des quenouilles. Ah, bon. OK, là, on y va. On va... Oui. Oui. Oui, et si elle peut mettre les... Oh, voilà. Elle s'applique les lèvres. Oh, ça monte. Oh, on est sorti. Ah, voilà. Hey, on est sorti. Oui, on est sorti. Wouh! Ah, hey, ça, c'est des expériences l'été, hein? Quand tu retournes à l'école, ton professeur te dit... Qu'est-ce que vous avez vécu d'extraordinaire? Et là, tu dis, écoutez, je sais que personne va me croire, là, mais j'ai resté coincé dans une paille de cocktail. C'était, un guillemette. Puis là, la dame, j'ai dit à la dame de... Ben là, vous connaissez l'histoire, puis vous racontez toute l'histoire. Puis là, les étudiants te regardent. Oui, oui, en ordre, oui. T'as de l'imagination. Tu penses qu'on va gober ça? Comment t'as pu rentrer dans une paille? Ah, ben là, ça, c'est une autre affaire, là. Que vous entendrez dans une autre émission, parce que c'est pas à ce moment-là que je dois vous relater toute l'histoire de l'homme qui s'est rapetissé tellement qu'il s'est retrouvé dans le fond d'une paille. Ah, c'est pas... Non. Comme disait Gaétane Brisebois, chaque chose en son temps et chaque temps arrivera à point. Et si ça n'arrive pas à point, ben on le fera arriver. Comment tu fais? Bon, le questionnement, hein, c'est bien, c'est un signe d'intelligence, mais ça me surprend pour vous, ouais. Comment ça, c'est un spasme hein, qui vient d'arriver dans votre... oui? Ben, tant mieux. Non, mais à un moment donné, on fait des bons coups, hein? Ben oui, on n'est pas juste dans la connerie. Oui. Depuis le début de l'été, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Puis moi, j'ai un beau jardin. Puis moi, c'est cet été, j'ai fait un jardin, comme à chaque été. Et le plus difficile, c'est de l'arroser. Parce que moi, à l'heure où je termine de mon boulot, il est 22 heures. Puis je reste avec plusieurs personnes, là. Un genre de harem. Puis je ne veux pas réveiller. Mais là, ça serait en soirée qu'il faudrait arroser, pas en plein jour. Puis là, il y a toujours des gens qui sont là pour apporter. Ah, ils utilisent l'eau potable. Oui, mais c'est pas mon jardin. L'eau potable, faut faire attention. Oui. Je dis pas le contraire, madame. Je ne suis pas le règlement, mais je suis les règlements. C'est ça la différence. Je ne suis pas le règlement, mais je suis le règlement. Comprenez-vous quelque chose? On va vous le mimer. Il y a une grosse différence là, entre être quelque chose et suivre la doctrine, suivre les consignes. Si tout le monde suivrait les consignes, il n'y aurait pas d'anarchie et ce serait plate, ennuyeux. Mais non, non, mais il y a des petits rebelles. Non, mais moi, j'en fais pas partie pour l'eau parce que j'ai un grand respect pour l'eau. Tellement que j'en bois pas beaucoup. Je le garde à la planète. Et surtout pour mon jardin. Alors là, les gens, qu'est-ce que tu bois? Ben, mes soeurs. Mes soeurs, parce que, puis pour enlever, c'est facile, hein? Enlever la soie, tu vas dire, ouais, mais c'est dégueulasse, c'est salé. Tu fais bouillir ça, ça enlève le sel, ma fille, puis ah, mon Dieu, c'est de toute beauté. Ah ouais, ben plus beau que ça, là, ça devient presque une œuvre d'art. D'art. D'art et d'essai. Avant le décès. Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, moi, mes tomates sont belles, puis c'est des tomates Roma. Vous savez, les petites ovales, là? Même, ça peut avoir des tomates cerises, qui peut être un peu comme un raisin. Tu manges ça, là, en écoutant un excellent film, là. Puis c'est plein de jus, là. Alors, si t'es ouais, si t'en manques, là, de liquide intérieur, là, tu prends juste ça, là, deux, trois tomates. Hop! L'histoire est... Hein? L'affaire est ketchup. Pas pire comme idée, tomate ketchup. Mais je ne ferai jamais de ketchup avec mes tomates. Elles sont trop respectueuses pour ça. Je travaille trop fort pour que ça soit à la fine pointe de tout ce que tu peux voir dans les marchés publics. Mes tomates, là, vont gagner des prix Nobel. Pour la plus rouge, la plus sucrée, la plus juteuse, la forme la plus près d'une tomate cerise ou Roma. Mais y en a-tu de la... Il y a autant de tomates qu'il y a de sortes de pâtes alimentaires. Parce que là, OK, on va prendre juste les tomates traditionnelles, hein, réglo. On ne parle pas de Roma, là. Mais là, tu peux les avoir soit coupées en dés, hein, entière, hein, coupée en dés, et tu veux, ou tu peux extraire uniquement le jus. L'orange, c'est comme ça aussi. L'orange, il y en a-tu des oranges? Il y a des oranges à manger, il y a des oranges à boire, parce que l'orange à boire a beaucoup plus de jus que l'orange à manger. Et la chair est beaucoup plus consistante quand c'est à manger que lorsque c'est pour faire un bon jus d'orange fraîchement pressé. Quand tu dis fraîchement pressé, combien ça prend, d'après vous, là, okay, un jus d'orange 8-11? Combien ça prend comment ça prend d'orange pour faire un bon jus, là? Regarde l'autre, 12 000. T'es-tu malade, 12 000? Hey, on donne pas... C'est pas le jus pour une province, ça, là. C'est un verre de jus 8-11. On va mettre 8-11. Un verre de jus 8-11. Règle générale, si l'orange est qualifiée pour faire du jus, c'est une orange et demie. Alors, c'est trois tranches d'orange pour un verre de 8-11. Mettez pas de glace là-dedans, ça va... Mais non, ça va diluer. Vous le préparez, vous le mettez au frigo, et une heure et demie après, vous le buvez. C'est délicieux. Puis, pour les gens là, qui sont vraiment épicuriens, là, une cuillère à thé de sirop d'érable. Oh là là là là là là! Et pour les gens qui peuvent, là, hein... 2 onces de vodka, c'est ça, du vodka, de la vodka, hein? Après ça, du sirop d'érable, puis votre bon jus, ça veut dire 3 tranches d'orange, et ça vous fait une belle petite boisson. Oui, ça désaltère, ça te rend heureux, tu recrées l'été en tout temps de l'année avec ça, parce que c'est le soleil même. Contrairement à d'autres fruits, hein, je sais pas, une framboise, c'est un peu insignifiant. Ça nourrit pas beaucoup, c'est tout petit, pas trop de jus. Il y a des petits pépins qui te restent coincés dans les dents, c'est dégueulasse. Les fraises, c'est un peu mieux. Un petit peu plus juteuse, un peu plus grosse, plus intéressant, disons. Disons. On peut-tu le dire de même, Mme Mewin, vous qui est la professionnelle? Elle travaille, elle, dans les fruits et légumes. Elle connaît ça, le fruit et légumes. Elle, son mari, elle l'a choisi parce qu'elle dit, hey, ça, c'est un joyeux légume. Puis en plus, il y a un bon... il y a une bonne entreprise. Si ça ne fonctionne pas, mes fruits et légumes, lui, il va être là pour me chapeauter, pour m'aider, pour... pour collaborer, là, puis hey, elle s'est partie une compagnie de fruits et légumes. Aujourd'hui, c'est devenu mondial. Mondial. Et puis, leur force, c'est acheter local. Elle voyait ça avant le temps, là. Aujourd'hui, là, bon, ça coule de source, hein, acheter local. Mais il y a 30-40 ans, acheter local, hein, c'était pas si... ces gens-là étaient des visionnaires. Quand tu es un visionnaire aujourd'hui, là, c'est plus facile parce que tu l'as vu arriver. Mais quand il y a, hein, il y a 30-40 ans, tu savais même pas sur quel pied danser, mais tu dansais quand même. Des fois, c'était la danse en ligne, tu suivais tout le monde. Bon, je sais pas comment faire, on va regarder les autres. Le mieux, c'est d'être autonome. Ne pas copier. Être soi-même. Ça paraît difficile et ça l'est. Ah, ça, on a-tu des belles, hein, des belles phrases, des belles... Avez-vous du plaisir, ou Madame Chose? Oui, on va... Oui, je vous présente... Hey, elle attend la suite, elle a aimé notre Olivier la semaine dernière. Là, ça demande comment ça va terminer. Comment ça va se terminer? C'est comme un film. Ça va se terminer très bien. On va se serrer la main, puis on va avoir bu un bon cocktail. Puis on va avoir passé du bon temps, puis on va avoir compris l'autre. Puis hein, on va avoir entendu son œuvre, l'entendre aussi sur sa façon de voir la vie. Puis c'est ça, une suite aussi. Là. On pouvait pas tout mettre là, la semaine dernière. Il y avait trop de jus. Alors, c'est maintenant le tapis rouge. On demande à Didier. Oui. Didier, si tu veux faire rouler le tapis rouge, s'il te plaît. Merci. C'est comme à Cannes, mais là, il n'y en a plus de Cannes. Il n'y a plus de Cannes. Ah non, cette année, il n'y a pas de Cannes. Aujourd'hui, ben non. Il y a du cinéma, mais il n'y a pas de Cannes. Mais en même temps, c'est des prix qui valent pas grand-chose. Hein? C'est bon, là, une pseudo-notoriété. Oh, faudrait que j'aille à un moment donné au Festival de Cannes. C'est une bonne idée, mais c'est au mois de mai. Hein? Mois de mai, là, ouf. Les vacances, c'est difficile au mois de mai, nous autres. On fait partie des services essentiels. Mais en tout cas, on verra bien. Peut-être même, hein, lorsque je serai à la retraite, je foulerai Cannes, j'irai dans les circuits cannois, rencontrer la vedette de Cannes. La seule, je crois, qui a franchi bien des années avec ça, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve a quoi aujourd'hui? 250 ans? Alors là, d'une petite fille de 30 ans. Le cou, il tourne plus. Non, elle a un petit problème, hein? À force de... Ouais, c'est ça. C'est étire, mais il y a un prix à payer. Étire pas trop. Parce que en même temps, c'est intéressant. Les deux yeux que t'avais en avant, t'es en arrière. Ah! Mais c'est les lèvres. Hein? Il y en a qui loupent ça, les lèvres. Oh! Surtout des actrices, là. Oh, prenons-moi pas de nom, là. Oh. Les yeux grands fermés, là. Ah, là. Initial NK. Il y en a d'autres, là. Oui, il y a même initial IH. Elle a joué dans plusieurs films, dont La Pianiste. Et puis, si on va La Dentelière, c'est elle. Elle s'est faite... À un moment donné, elle a tellement... Elle a regretté! Je comprends, parce que toi-même, là, la seule chose que tu vois, c'est ça. Et ce que tu voulais pas que les gens voient, ben c'est ça. Fait que ça fait l'effet contraire, tu sais. Les gens les regardent autant, mais ça a coûté un bras. Tu t'es fait avoir, puis t'es pris pour la vie avec ça. Parce que ça revient pas à la normale, là. J'ai discuté avec les années, ben ça peut-être... s'estomper, mais... Les premières années, hop. Tu dois faire attention avec tes distances, hein? Parce que les lèvres, hein, ne sont plus ce qu'elles étaient. Puis quand t'embrasses, ben ça fait, tu sais, une succion. Puis il y a une marque. Une marque de lèvres sur la joue. Et c'est tellement, ça succionne tellement que t'as la joue bleue. manque de circulation, Jean-Yal, ça fait mal. Tu veux juste plus te faire embrasser par les filles qui se sont faites botoxer les lèvres. Hop, hop, hop, hop, hop. Puis que dire de la poitrine? Ah, puis mal au dos avec ça, là. Elle peut même tomber en avant, ça lui fera pas mal. J'ai déjà connu une ancienne amoureuse qui, elle, est tombée en avant, puis par le... Oui, oui, oui, et par le choc, elle a rebondi sur le dos. Tu sais, ça fait boing, boing! Voyez-vous l'image? Tombe en avant, là, boing, puis là, les deux ont absorbé, et ça lui a donné un relent pour basculer par en arrière. Et là, c'est fait au mal aux hommes à plate. Et puis depuis ce temps-là, c'est la seule femme qui s'est fait refaire les hommes à plate pour avoir des une poitrine en arrière. Comme ça, là, elle passe une soirée à tomber en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Alors, ça passe, elle a tellement de plaisir avec ça, en avant, en arrière. Puis à un moment donné, le visage, hein, comme il reçoit des coups en avant, en arrière, c'est rendu une sorte de verrue puante. Parce que ça ne peut pas cicatriser, hein, à chaque fois, là, elle le fait à chaque soir. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Là, elle se promène le jour, là, et monsieur est encore en deux zones, elle ne sait plus où elle habite. Là, elle appelle, oui, parce qu'elle a des traumatismes crâniens. Qui dit crâne, hein, dit aïe aïe. Puis dit toute la matière qui est coincée là, là. Hein, les petits pois qui sont tous mêlés. C'est un peu comme quand tu joues au bingo, là, la gobeuse de chiffres, là. Pour que quand celui qui annonce les chiffres, B8, ben quand celui-là arrive à dire les chiffres, ben c'est ça qui est dans la tête de la personne. C'est un peu comme des boules de. Ou un maïs soutien, hein? Une machine à maïs soufflé, quand ça éclate, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. C'est ça. C'est comme ça. Elle, mais une fois que ça explose, ça revient plus. Hein? C'est de la matière grise qui meurt. Ah, mon doux Seigneur. Quelle est triste cette vie. Aujourd'hui, le lundi 27 juillet 2020, l'errance. Non, hey, j'ai tué. Attends un peu. Aujourd'hui, le lundi. On recommence. On recommence. Le lundi 27 juillet 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du comédien. Du chanteur, du parolier, bref, un homme tout azimut, l'homme orchestre, M. Olivier Neveu, qui nous présente la suite de la fuite de la semaine dernière. Alors, à toi, mon ami Olivier Neveu, à partir de maintenant, c'est 100% son œuvre. Ça va avoir du plaisir. Ah! Sur les feuilles mortes d'automne, sur mes pages blanches, dans ma tour de papier glacé, elle fait un clin d'œil quand elle s'allume, ta tour toute blanche, dans mes yeux de papier mâché. J'ai perdu le fil de mes pensées sur le bord mouillé d'une photo tombée de haut, les yeux dans le vide, mes amours perdus meurent à l'automne sur mes pages blanches et m'abandonne à tes côtés. Sur les feuilles mortes d'automne, sur ta robe blanche, des flocons passé. J'ai perdu le fil de mes pensées sur le bord mouillé d'une photo tombée de haut. Les yeux dans le vide. Je suis dans les textes, donc et là, je la suis... musique arrive-tu? Moi, je fais la musique après, en général. Ok, mais est-ce que tu, lorsque tu écris, y a-t-il une consonance qui vient sur... Alors, pas pour l'instant. Okay. En revanche, j'essaye d'être, sur ce projet-là, d'être au niveau des pieds, extrêmement rigoureux. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, si je pars par hasard sur un 5 pieds, 8 pieds, 8 pieds, je vais respecter. J'ai déroulé ça à ce rythme-là. Okay. Avec ça, mettons que ce soit un couplet par exemple, avec des refrains qui seront sur, je sais pas, 12 pieds, j'en sais rien. Ah ouais. Mais j'essaye d'être très rigoureux au niveau du. Pour que la musique coule de source. Et voilà, je sais que la musique va couler de source après. Okay. Okay. Et là, je suis parti sur un poème qui, au départ, je pensais qu'il allait faire, je sais pas, aller 8 strophes. Et j'arrive pas à m'arrêter. Ah mais c'est bien. Mais ça me prend la tête parce que là il y a une trentaine de strophes. Donc ça devient un poème fleuve. Oui, c'est-à-dire que la situation que j'ai trouvée, je peux la décliner presque à l'infini. Okay. Et alors du coup, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je me dis, ah quand même c'est dommage de s'en passer. Oui. Alors je la creuse, je rajoute. Je dis, après je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ce machin quoi, parce que à quel endroit le point final voilà, bon j'ai hâte qu'il arrive là, parce que ça fait quand même... Ça t'essouffle un peu là. Ouais, ça fait... Le texte est pas essoufflé, mais toi t'es essoufflé. Là, ben ça fait 3 mois que je suis dessus. Tu veux passer à autre chose. Ouais, j'ai envie de passer à autre chose. Mais moi, je sais pas, il m'a rendu obsessionnel ce texte, alors... Mais il est pas non plus complet, tu te sens pas complet. Tu sais qu'il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire et surtout à le finir. C'est-à-dire, je sais comment il se termine, mais j'ai pas encore trouvé les... Mais il y a encore des choses qui s'intercalent facilement. Ouais, c'est ça. Voilà, je comprends très bien. Bah, tu sais, quand tu écris une chanson, un poème, c'est qu'à un moment donné, tu bloques souvent parce que il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment développé avant. Ouais, c'est ça. Tu vois? Il y a un manque à quelque part. Il y a un manque quelque part. C'est riche là, ouais. Mais c'est pauvre un peu. Là. C'est un peu... Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, faut... Ouais, c'est ça. Mais c'est un travail, on parlait de Pierre Perret qui prend une année à écrire une chanson, très souvent 2 ans, 3 ans, ouais. Même 10 ans. Les Zizi, ça a pris des années. Ouais. Mais le résultat est là. Il faut laisser reposer. C'est comme du bon vin. Pour que boire un vin exceptionnel, il faut attendre. Il faut être patient. Faut être patient. Puis des fois, t'en as qui viennent vite. Oui. C'est très bizarre, ça. C'est vrai. C'est très bizarre, mais... En général, quand même, une chanson, ça, c'est du temps, quand même. Hein. Mais c'est pas une journée. Les gens s'imaginent que... Mais il y en a des chansons qui se font en une journée. Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais c'est quand même un cadeau du ciel. Ouais. Et tu remercies la ligne médiane entre... Et puis, qu'est-ce qui te fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Est-ce que c'est ta vie à toi ou c'est ce qui se passe là, c'est ton imaginaire qui... Alors, qui ça peut être... Ça peut être plein de choses. C'est ton imaginaire. Ton univers à toi. Chaque chanteur a un univers. Ouais. Donc ton univers à toi, tu vois, c'est ton inconscient, je sais pas. D'un coup, il y a tiens, cette idée-là, tu as envie de parler de ça parce que ça te touche. Bon, tout ça, c'est bateau, tu vois, mais après, ça peut être. Moi, des fois, ça m'est arrivé que ce soit une photo. Okay. Tu vois, une photo qui me. Je dis, mais qu'est-ce qui t'interpelle, Moi j'ai fait il n'y a pas très longtemps une chanson sur. Je sais que la Billier a fait ça, sur un enfant soldat. Oui. Parce que c'est la photo. Okay. Et j'ai eu envie de d'écrire sur l'enfant de cette photo. C'est dans Voleur de feu, l'enfant soldat. L'album Voleur de feu. Le noir et blanc à l'intérieur. Ouais, c'est dans cet album-là. Ouais. Oui, puis aujourd'hui, son fils joue de la batterie avec lui. C'est parce qu'il y a un solo de batterie. Là, d'accord. Il joue, c'est ça. C'est une très belle chanson. C'est une belle chanson. Hein. Très belle chanson. Ouais. La Villiste, ouais. Incroyable. Ouais. Qui a bien vieilli. On parlait de Bon, il est super bien vieilli. J'ai vu en concert il y a 2 ans, il m'a bluffé. Quoi. Parce que ses guitares, ouais, souvent, là, il prend sa guitare, puis il y a du métier. Hein. Il y a des albums tellement extraordinaires que... Et moi, je l'ai vu il y a 2-3 ans, et il y a un moment qui m'a... J'avais jamais vu ça en concert, en fait. J'ai pas non plus à 1 milliard de concerts, mais... Ouais. J'avais jamais vu ça en concert, c'est qu'à un moment donné, il a fait l'intro tout seul, il a chanté tout seul à la guitare, les mains... c'est pas les mains sales, c'est... Ça, c'est Jean Genet. Ouais, ça, c'est Jean Genet. Mince, comment s'appelle sa chanson, Les Mains? C'est une chanson sur les ouvriers. Chanson sur les... Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mince, oui. Il m'échappe le titre. Non, enfin. Mais en tout cas, peu importe. Oui, ouais, oui. Les Mains, quelque chose. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est une magnifique chanson. Et il a joué tout seul à la guitare. C'était une salle de, toi, 1000 places à peu près. Et ben, dès l'intro de la guitare, tous les gens se sont levés et sont descendus pour aller se mettre devant et autour de lui. Okay. Tu vois le truc, j'avais jamais vu ça, moi. Que les gens se lèvent pour descendre et aller cueillir la chanson. Ouais. J'avais jamais vu ça. Ah, c'est Et ça s'est fait, il a rien dit, lui. Hein. Non. Tu vois, il a commencé l'intro. Les enceintes, c'est pas préparé. C'était pas préparé. Mais même lui, il devait être émotif quand il l'a vu. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Tu vois, et... t'étais là, t'as eu la chance d'être là. Ouais, ça, c'est un cadeau du ciel d'être là pendant des moments aussi extraordinaires. Ouais, c'est un moment magique, ça. Ouais. C'était un moment magique. Ouais. Parce que même s'il avait mis en scène, je suis pas sûr que ça aurait marché, forcément, tu vois. Ouais. Et bon, sauf s'il y allait, venez tous, mais il l'a pas fait. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Non, mais je te disais. Ouais, c'est ça. Ça peut être une photo. Okay, ça peut être. Bon. Et toi, t'as fait une chanson sur un enfant soldat, c'est ça? Ouais, ouais. Un texte, en tout cas, pour l'instant. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, ça peut être aussi. Ça peut être un sujet de société. Okay. J'ai fait une chanson. J'ai fait un texte là. Je suis assez fier de ce texte. Sur un décontamineur de centrale nucléaire. Ok. Et j'ai plongé mon personnage à Fukushima. Ok. Donc le gars qui bosse là maintenant, Fukushima, okay. Là-bas. Qu'est-ce que tu voulais... En fait, là, tu vois, par exemple, c'est le mot. Je suis tombé sur ce mot-là qui m'a frappé, décontamineur. Décontamineur. Et je suis allé voir ce que c'était. Je sais pas pourquoi, je sais plus comment je suis tombé sur ce mot. Et là, je vois que c'est un métier de sous-traitant, hein. C'est des gens qui sont maltraités comme tout. Ouais. C'est vraiment le métier des gars qui vont dans les réacteurs, décontaminer. Alors, ils risquent d'en mourir avec la radioactivité et tout ça. Voilà, alors évidemment, ils sont ultra protégés, mais ils sont maltraités, ils vivent dans des mobilhomes. Ils ne font jamais d'argent, ils vont rester pauvres, ils vont travailler comme ça. Ils sont quasiment smicards, un peu plus peut-être, toi, mais non, c'est des métiers de chiens. Et t'es fier de ton texte. Et ouais, je suis... En fait, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi dans la chanson, c'est qu'il y a des moments, tu traites une chanson, tu traites un sujet qui t'oblige à te documenter. Ouais. Parce que instinctivement, d'instinct, t'as été vers ça, tu sais pas trop pourquoi, alors là, m'explique pas pourquoi, mais... me demande pas pourquoi, mais d'instinct, tu vas vers ça, et puis à un moment donné, tu dis, là, attends, je touche un sujet... j'ai quand même allé creuser, me documenter. C'est pas gratuit, le mot où la flamme arrive, c'est pas un hasard. Donc tu veux creuser pourquoi, et de là la création commence à... Oui, à et puis aussi pour être crédible dans ce que tu racontes. Okay, même si ensuite, au final, il y a une dimension entre guillemets poétique, parce que c'est une poésie, une chanson où... c'est pas une chanson peut être un manifeste, mais du coup faut quand même que tu vois, faut pas que ce soit bateau, quoi. Non, il y a tellement de chansons qui s'écrivent que tu peux pas tomber dans la même chose. Ouais, c'est ça. Une chanson d'amour, il y en a. Ouais, donc mais il faut vraiment trouver son style, avoir son approche. Et puis les sujets de société, je trouve que c'est toujours délicat parce que c'est très facile d'être contre. Et de, ah ouais, ben oui. Toi, de... T'as besoin d'être intelligent pour prendre position sur « non, je suis contre », mais pourquoi? Ben là, c'est là que ça bloque. Voilà. Ben, parce que tout le monde est contre. C'est là que ça bloque. Ben oui. Voilà. Ben, parce que tout le monde est contre, je suis contre. Ouais. C'est l'effet mouton. Et alors, si t'es contre, ben, et si que t'as envie de dire dans une chanson que... De, enfin, de dénoncer ou de traiter un sujet dans une chanson, je pense que c'est bien d'avoir un background. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Que tu vas... Que, en te documentant, et puis... Ouais. Ça ne veut pas dire que tu vas faire une chanson conférence éducative. Ouais, ouais, ou, non, mais au moins que toi, tu es un... Pour si tu réponds à des questions, tu puisses savoir... Si tu réponds à des questions ou ouais. Des mots que... Ou de dire comment je vais traduire ce truc-là qui est très très sérieux ouais. Et très grave et très solennel, comment je vais le traduire en texte pour que ça soit chanté. Ouais, et ça fait penser des gens qui écrivent des chansons pour d'autres. Il y a une chanteuse québécoise qui a chanté une pièce de Pierre Flynn. Pierre Flynn est un chanteur québécois du groupe Octobre, un groupe exceptionnel, ah ouais. Mais qui n'existe plus. Mais Pierre Flynn, oui, il est pas de, mais le groupe est décédé. Bon. Et puis, il a fait dire à la chanteuse les trompettes de Jéricho. La sirène du néant fait scintiller ses anneaux. Elle m'attend depuis longtemps. Elle entre dans mon cerceau. À l'heure où j'attends mon heure, l'heure où ronflent les dormeurs, elle est fraîche. Le corps, la sirène du néant illumine mon cachot. Elle ondule comme l'océan. Elle balance mon berceau. À l'heure où j'attends mon tour. L'heure de ses pas de velours, elle danse une tarentelle, elle m'enveloppe de ses dentelles, son baiser de furie dévore, son baiser me glace le corps. Parti pendant mon sommeil, il y a quelqu'un ici derrière mon oreille. La sirène du néant ouvre mes yeux sans un mot. De son étau. À l'heure où j'attends de voir l'autre côté du miroir, elle m'entoure de ses lueurs. Elle me serre contre son cœur. Place du soleil. y a un journaliste qui lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire les trompettes de Jérusalem. Elle n'a jamais pu. Mais c'est ça, quand tu chantes des paroles des autres sans faire. Alors, ça prouve qu'il faut s'intéresser au sujet. Ouais. C'est ça, je te dis. Ça me faisait penser à ça, les trompettes. Ah, moi, je riais. Ça représente bien la chanteuse aussi. C'est ça, tu travailles beaucoup actuellement sur la composition. Sur la composition et Poinçon, je suis sur l'écriture. Oui, et c'est ton projet sur les sexualités ambivalentes. Alors, en fait, si tu veux, je pense que je vais aller sur deux projets, qui va être ce projet de chansons érotiques. Érotique, ouais, c'est ça. Et je pense que ça va vraiment être un album, on va dire, tu sais, comme on dit, les concepts albums. Ouais. Je vais pas faire juste un album avec deux chansons érotiques, ça va être que des chansons érotiques. Oui, c'est ça. Un album érotique. Ben, comme Pierre Perret. Comme Pierre Perret. Ouais. Et puis, je vais faire un autre projet sur des chansons sociétales. Parce que, est-ce voilà. que c'est toujours piano-voix ou si tu veux Non, là j'ai vraiment envie de jouer avec des musiciens. Est-ce que c'est les mêmes dans les deux projets ou tu veux avoir... Non, ce ne sera pas forcément les mêmes. Okay. Non. Je n'ai pas travaillé toujours avec les mêmes musiciens, mais il y a une... Il y a une fidélité. Hein? Il y a une fidélité. Il y a une fidélité. Ouais, et une amitié, quoi. Oui. Et en plus, vous connaissez, vous avez pu en parler longtemps. Il sait très bien qu'il veut que tu veux un phare, puis que tu veux le jouer comme ça, puis juste le regard, puis juste la mimique. OK, j'ai compris, on y va, OK. Parce qu'il y en a des musiciens qui sont pris dans leur musique, hein, dans leur style, mais il y en a qui sont très ouverts et qui vont te suivre n'importe où. Tu me demandais tout à l'heure la différence entre chanteur, comédien. Ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire que deux comédiens qui vont travailler une scène, à un moment donné, ils sont obligés de parler de la scène, okay. de la situation, de ce qui se joue, de ce que chacun veut, du conflit, comment ça va monter. T'es obligé de parler avec l'autre. Et en musique, t'es pas obligé. Non. Juste un regard. Ouais, un regard. Tu sais, enfin, toi, c'est un truc. Ça, j'adore. Oui. Moi, c'est le truc le plus kiffant du monde pour moi. Ah, c'est vrai. Mais c'est quelque chose aussi de attirer l'attention, c'est quelque chose. Tu sais, quand tu montes sur scène, tu dois attirer. Quand tu fais les premières parties, c'est très ingrat les premières parties parce que les gens veulent pas te voir. Ils veulent voir le chanteur principal ou le groupe. Ouais. Toi, t'es quoi? T'es là pour boucher 20 minutes. Et les gens vont parler entre eux. Il y en a qui vont arriver en retard. Tu vas avoir des éclairages parce que la dame trouve pas son... Alors, c'est très, très, très difficile de prendre l'intérêt, surtout quand tu es dans une première partie, et de dire, écoutez, c'est moi, venez m'entendre, même si vous êtes là pour entendre une autre, je suis là pour me proposer moi aussi. Puis peut-être que cette personne-là va faire l'Olympia ou une grande salle, elle aussi, mais il faut partir de quelque chose. Et toi, c'est ça, c'est d'attirer l'attention et de tenir en haleine. Ben ouais, d'attirer l'attention, mais en fait, c'est ça le travail, c'est-à-dire que tout ce que tu vas préparer avant de monter sur scène, c'est-à-dire la setlist, l'enchaînement des morceaux, l'enchaînement des tonalités, tiens, ce que tu vas dire entre deux chansons, il y a un truc, en fait, ça, c'est bien que ça se passe là, que je dise ça aux gens, toi. On construit le show. Ouais. Alors, soit on le construit au fur et à mesure qu'on le fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses, ah, ça marcherait mieux comme ça. Donc tout ça, on le fait pourquoi? C'est pour que le public soit réceptif et aussi, capté. Et heureux après le spectacle, ils sont pas là pour dire, ah, c'est... Exactement, et que ce soit, si tu veux, et puis en fait, un concert, une chanson, c'est un rythme, mais un concert, c'est un rythme aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est de faire monter le toit, De faire des montagnes. Qu'il y ait des moments plus intenses. Des angles. Des angles et des tout angles, ça. Ouais. Tout le monde fait ça. Hein, toi, à un moment donné, si tu veux rentrer dans une relation plus intime avec le public, là, moi, ça m'est arrivé de faire 3-4 chansons piano-voix à un moment donné. Ah, les gens sont plus intéressés, le silence est... Voilà. Et en fait, tu es toujours omnubilé par ça, en fait. Comment je capte l'attention du public, en tout cas dans la construction de mon truc. Même, alors la construction, c'est pas une construction intellectuelle, c'est au niveau des sons, des tonalités, des enchaînements. La sonorisation. Voilà, exactement. Et puis, ces deux chansons-là qui s'enchaînent, mais elles n'ont rien à voir l'une de l'autre, mais qu'est-ce que ça marche bien. Oui, effectivement, mais en même temps, tu peux pas juste faire six chansons trop intimistes parce que les gens veulent un peu de rythme à travers ça, donc tu dois vraiment placer ça selon les intercalés. Voilà, il y a des dynamiques différentes, des degrés différents. C'est ça. Voilà. Et puis après, chacun vient avec sa personnalité, sa nature. Et ses connaissances aussi. Et ses connaissances. Donc sur scène, vous êtes le premier public. Ouais. Alors, si vous êtes trois, vous êtes les trois. Alors c'est pour ça que tu peux dire, mais celle-là, je ne la casserai pas là. Il faut être ouvert, il faut être prêt à tout recevoir. Oui, et puis on a aussi parfois des retours extérieurs. Ouais, des amis qui viennent voir le show avant. Ouais, qui nous sont... Il ne faut jamais écouter tout le monde parce que là, tu t'en sors plus. Ah non, parce que... Mais par contre, tu sais que toi, tu as toujours deux, trois oreilles que t'aimes bien avoir la vie, quoi. Oui, puis c'est les mêmes qui vont t'éclairer davantage que d'autres. Donc, tu en enlèves quelques-uns puis tu te concentres sur les autres. Tu te concentres sur les autres, c'est parce qu'il y en a qui ont des choses à dire. Autrement que non, celle-là, c'est pas bon. Ils vont dire pourquoi que la chanson est pas bien placée. Ouais. Donc c'est ça, c'est pour ça que toi, tu veux avoir des gens qui ont des choses à dire sur ce que tu fais. Voilà. Exactement. Ben, faut être... faut être attentif à ce que, au retour qu'on a aussi, quoi, tu vois, c'est... Mais bon, voilà, après, en général, tu sais à peu près toi ce que tu as envie, ce que tu as envie de faire. Et après, c'est des ajustements. Exact, si parce qu'il faut que ça vienne de toi, c'est ton projet. Voilà, et puis tu sais, on discute entre nous, entre musiciens, c'est-à-dire qu'on sait quand un truc n'a pas bien fonctionné, ouais. Si tu veux, c'est parce que... Tu sens la salle aussi. Hein, tu sens la salle, tu sens les sensations sur scène, tu dis, ah tiens, celle-là, on va plutôt la mettre là, quoi. Celle-là, on l'enlève, on la mettra là. Et voilà, et puis après, chacun vient capter l'attention. Même si tu es un musicien, alors les musiciens, ils ont toujours un petit truc admiratif vis-à-vis du chanteur ou de la chanteuse parce que il est souvent moins... En avant. Il est souvent peut-être moins compétent musicalement. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, parce qu'il n'a pas toujours toute la science harmonique qu'a le pianiste ou le guitariste. Ça dépend, je parle un peu en général, hein, parce que tu as... Voilà. Mais il y a en même temps, le musicien, il s'y est pas mis devant, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois? Parce que, lui, quelque part, il se sent bien là où il est, quoi. Mais en plus, c'est pas lui qui a regardé, c'est toi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu bizarre, on parlait de l'enchaînement, Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que tu te posais la question de capter l'attention, en fait, chaque musicien... À part le chanteur, chaque musicien est le chanteur, je veux dire, à sa façon de capter. Même si tu es, toi, taciturne sur ta basse. C'est la sensibilité aussi. C'est la sensibilité. C'est la sensibilité qui fait que tu captes le public. Effectivement. Et c'est la sensibilité aussi qui va te faire prendre ce musicien-là au lieu de l'autre à côté. Parce qu'il y a vraiment, il n'y a même pas rien à dire. Ça va de soi. Et j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener, je vais voir, c'est rigolo. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Si j'étais un liquide de whisky. Ah oui, ah c'est bon, ouais. Mais ça réchauffe la gorge avant de monter sur scène. Leonard Cohen adorait le whisky. Ah ouais? Et il a dit, mais lui c'était plutôt le vin, mais le whisky c'était la majorité des alcools, Leonard Cohen adorait. Mais il disait que le vin rouge, c'est ce qui lui a donné la chance d'avoir cette voix-là. Ouais. Voilà. Ah, le vin rouge, c'est bon pour la voix. Ah oui. Avec modération, comme on dit souvent. Mais ça me fait chier quand on dit ça avec modération. On peut boire comme on veut, hein. On n'a pas à se faire dire. Si tu étais une ville... Une ville? Oui. Eh bien, je serais Montréal de la chanson de... Non, je serais Montréal de la chanson de... Robert Charlebois. De Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Voilà, parce que je suis jamais allé à Montréal, mais... cette ville, je me l'imagine à travers cette chanson. Ah, c'est beau, ça. Tu vois? Ouais, donc, je serais cette ville que je m'imagine, ouais. Dans un grand bruit, demain. Ouais. Et moi, dans mon émission, j'ai déjà dit, je viendrai voir Montréal. Si tu étais une ville... Ah, tu l'as dit, ouais. Montréal. Si tu étais une langue... Une langue? L'écossais. Pourquoi? À cause de la jupe? L'écossais, parce que... Il y a un accent de dingue que tu tu comprends rien cet accent en fait. Je trouve que c'est un accent très difficile et j'en sais rien, je sais pas. Ou attends, une langue, ouais c'est compliqué ça. Marchons calmement et sans peur au milieu de toutes ces couleurs. J'ose un pas, j'avance à tâtons, tout ouvert d'autres horizons. Hors d'haleine, je tombe à genoux de mon tunnel, je vois le sympa, j'avance à tâtons, tout ouvert d'autres horizons. Hors d'haleine, je tombe à genoux. Je me débarbouille la figure. J'suis à l'envers de vos horaires. Je me colore de poussière. Je rêve, quelle surprise soudain. Un passant me demande son chemin. J'avance à tâtons, tout ouvert d'autres horizons. Hors d'haleine, je tombe à genoux. De mon tunnel, je vois le bout. Calmement et sans peur au milieu de toutes ces couleurs. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89 à Québec, avec Rénald Dany. Si t'es honnête, t'es perdant. C'est interdit par le règlement. Les petites misères réveille la colère des prisonnières, des damnés de la terre. Lily Rose à l'énerve, voleuse vénéneuse, braqueuse empoisonneuse. Des fleurs de pavé, des fleurs de pavot, mêlées dans le même pot. Lily a gravé des cris sur ses bras de fée. Lily Rose de rage a tatoué les murs du pénitencier. Plus les petits matins passent et moins il y a d'espace, moins le temps passe et plus il y a de la casse. Il y a une nouvelle dans la place. Lily Rose et raquette, il faut qu'on la respecte. Des caresses, du hachet, des cigarettes. Lily Rose a une dette. Lily a gravé des cris sur ses bras de fée. Lily Rose de rage a crissé ses ongles métallisés. Se bagarre, cinq semaines au mitard. Au royaume des ombres et des cauchemars, Lily Rose boit du noir. Et quand elle est sortie, en suc et engloutie, par les cages dont les picous en folie, Lily Rose est partie. Lily Rose est partie. Lily Rose est partie. Non, le français. Ah ouais? Le français, ouais. Mais la langue va aussi, est aussi difficile à saisir que l'instrument. C'est quoi en Écosse? C'est la cornemuse. C'était pas un instrument épouvantable. Ça t'arrache l'oreille. Ouais, ça t'arrache l'oreille. Le français. Le français? Ouais. Excellent. Ouais. Parce que ben, c'est ta langue maternelle. Ben ouais, parce que c'est une langue. Intarissable. C'est une langue à la fois qui peut être très musicale. Très poétique. Très poétique. Érotique. Érotique, et puis qui peut être parfois compliqué à manier, ouais, parce que les Anglais parfois ont besoin de trois mots quand nous on en a besoin de sept. Ouais. Mais toi justement, ça la rend riche. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si tu étais une époque. Une époque? Je dirais maintenant et les 70s. Ok. Ouais, les années 60 pour la musique, hein? Ouais, les années fin 60, fin 70. Janis Joplin. Pour la musique et tous les arts, parce que là, il y a une explosion créative, de création, mais qui est un truc de dingue. Ce qui peut-être a aidé ces années-là, c'est la marijuana. Ouais. Si tu étais un mot... Un mot? Oui. Un mot. Ça ne vient pas. Non. Tellement de mots dans le monde. Ouais. Et un mot. Aube. De l'aube à l'aube. Pour reprendre Vachonne. Ben, Juliette avait dit quand j'ai dit. Parce que ça va te faire rire. Si tu étais un mot, elle m'a dit mot. Mot. Pas compliqué. Hein. Si tu étais un aliment. Un animal ? Non, un aliment. Ah, un aliment ? Un aliment ? La crème chantilly. Ah oui ? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Mm. Il faut savoir la faire. Hein, ouais. Parce que à la vraie. Ah ouais, c'est complexe. Si tu étais une saison ? Une saison ? Le printemps. La renaissance ? Ouais. L'hiver est terminé, enfin. Surtout au Québec, l'hiver est terminé enfin, le printemps, les jupettes raccourcissent. Les jupettes raccourcissent, il y a la sève qui monte, il y a un regain d'énergie. C'est vrai. C'est agréable quand même. Oui, puis tu parlais d'érotisme, c'est le côté plus érotique aussi, le printemps. Ouais. Au moins, là, on commence, l'été va arriver. Là, ouais. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, le matin au réveil. Tu te lèves tôt? Je me lève tôt. Tu te couches tard? Je me couche tard. Je dors pas beaucoup, mais je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais j'adore le moment du matin au réveil. Souvent, j'écris au réveil. Ah ouais? Ouais. Tu te sens à l'aise pour écrire? Ouais. Un café et écrire tout de suite. t'es frais, t'as l'esprit. Ah oui, c'est vrai. Même s'il est un peu embrumé, t'es, je sais pas, c'est. C'est très aéré, ouais. Pas de grenier. Ouais, ouais. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, les doigts. Pour le pianiste. Pour le piano, la musique, les caresses. Joues-tu du piano debout, toi? Non. J'aime bien. Ah ouais, je sais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Oui. Ah putain. Buster Keaton. Ah oui, mais c'est rapide, pourquoi? On n'est pas loin de Charlie Chaplin, mais c'est ouais, Buster Keaton. Mais Buster Keaton. Pourquoi? Parce que. Oh là là. Je sais pas, il m'a fasciné ce bonhomme. Buster Keaton ou Ray Charles pour la voix. Ah oui. Ou Stevie Wonder pour la voix aussi. Ah oui. Stevie Wonder des années 70. Et pourquoi deux aveugles? Ah, je sais pas, c'est leur voix, okay. La voix, mais ça... Mais c'est ça, la voix du cœur, hein? Ah, tu, ouais. Tu vois pas, eux ne voient pas, donc c'est une autre dynamique. C'est vrai, ouais. C'est extraordinaire. Puis même, au début, Stevie Wonder avait repris des chansons de Bob Dylan, Blow in the Wind, ouais. Mais l'enregistrement est tellement merdique que le micro était... Mais ah, ouais. Il reste que c'est du grand Wonder. Ouais. Si tu étais... Ah oui, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Est-ce que? Tu ferais le même chemin? À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir, s'il y avait une chose que je pourrais changer, ouais. C'est de... d'avoir eu plus confiance en moi plus tôt. Ok. T'es quoi? T'étais plus... moins confiant? Tu croyais pas en toi? Oui, j'avais toujours je ressentais toujours un manque de confiance en moi. Pourquoi? Est-ce que c'est les professeurs qui t'ont fait voir ça autrement? Ou si c'est la vie, c'est les contacts qui t'ont... Non, c'est... Ou c'est toi t'avoir réagi face à quelque chose, dire « Ah ben, je peux le faire, ça, je peux le faire. » C'est à force de dire « Oui, je peux le faire, je suis capable. » En fait, je changerais rien, okay. Mais si je pouvais changer une petite chose, c'est que j'ai... Certaines choses que j'ai pu faire avant, de le faire avec un degré de confiance en plus. Parce que ça brise des barrières aussi, la confiance. Hein? Ouais, c'est. Mais bon, c'est pas très grave, je veux dire. Toi c'est, tu me poses la question. Oh, oui. Mais non, c'est pas très grave. Mais en fait, la confiance, elle vient aussi avec la maturité. Ben c'est ça, tu ne pouvais pas être comme ça à 20 ans. Voilà, c'est ça. Mais toi, c'est ça la sagesse. C'est comme ça pour tout le monde. Oui. Mais je trouve que ce serait mieux foutu la vie si on pouvait te mettre une petite dose de quand t'as 50 balais. Bonjour. À quand t'as, toi, une petite dose de tes 50 balais quand t'as 25 balais. C'est vrai, c'est vrai. Pour, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à 25 ans? Est-ce qu'on n'est pas à 25 ans à prendre ça comme... Bah non, on n'en veut pas. C'est ça. On n'en veut pas. On est fou un peu. Là, ouais. C'est Rimbaud. On n'en veut pas. On a une putain d'énergie qu'on n'arrive pas à canaliser. Ouais, on parle là. C'est ça que je veux dire. C'est tu pars un peu dans tous les sens. On est des supermans. Ouais. Et parfois, il faut travailler un peu pour se recentrer. C'est vrai. Et... Tu travailles sur plusieurs choses à la fois, mais est-ce que ça concrétise sur des en chanson? Est-ce que tu veux faire des albums? Est-ce que tu veux mettre ça sur coucher ça sur une belle pastille? Là j'ai envie de faire vivre sur d'enchaîner des albums. Okay. En fait, j'ai envie d'enregistrer en fait. Mais là t'as rien fait encore. Non, j'ai rien fait là. C'est ça? Ouais. Enfin, je fais là, j'écris. Oui, j'écris des textes, mais là, faut que je passe à la réalisation. À la réalisation, à mobiliser une équipe. Alors, comme toi, tu as déjà fait de la radio, il faut bien faire jouer de la musique. Et, ben ouais. Donc, c'est à toi de. Et t'as-tu trouvé une équipe encore? Tu n'as pas encore trouvé ton équipe? Si, je sais avec qui je vais travailler. Okay. Ouais, et ça va se faire dans les années qui. Ah, ben, je pense que. Là, on est quoi? On est en juillet. Je pense que dans 2-3 mois, j'ai fait tous mes textes et j'attaque la réalisation, alors, c'est la composition. 2020. Ah ouais. Oui. Alors on va attendre la diffusion pour avoir quand même du matériel sonore. Avant 2020? Ben non, mais moi, mon émission fonctionne ah oui. sur une année. Ah oui. Donc peut-être au mois de mars, avril ou... Mais possible, ouais. Ok. Ouais, okay. C'est possible. Alors tu vas m'envoyer. Bien, bien sûr, je vais t'envoyer des choses. Bien, ouais, ouais. Parce que ouais. On peut pas diffuser ça sans musique. Ouais. On peut, bien sûr qu'on peut placer Bernard Lavilliers, Serge Gainsbourg, Pierre Perret, mais on peut entendre du Olivier. Ben ouais. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que tu veux garder ton nom et ton prénom? Ouais, je garde, non, je garde mon nom et mon prénom. Ok. Ouais, ouais. Ça va être Olivier. Ça va être Olivier Neveu. Ok. Ouais, tout simplement. Ok. Mais veux-tu mettre un titre aussi, ou si tu veux juste utiliser... Non, il y aura un titre pour cet album érotique, il y aura un titre, je ne sais pas lequel encore. Okay. Oui, bien sûr, il y aura un titre. Mais ce sera sous mon nom. Ok. Ouais, ouais. Alors, tu travailles beaucoup actuellement. Ouais, j'adore le travail. Ouais, ouais, mais quand un comédien chanteur, il faut être prêt au travail. Ouais, ouais, j'adore ça. Et à la rémunération, ça vient plus ou moins... Ça vient plus ou moins sur les périodes. Ouais, c'est vrai. Donc... Mais tu sais, si tu peux arriver à vivre de ce métier, c'est déjà un cadeau, hein. C'est ouais. Super. Et puis ça veut dire que tu le mérites quelque part et que tu as été le chercher. Tu as travaillé fort. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc moi je vis de mon métier. C'est déjà une... Oui, c'est une belle... c'est, un beau cadeau. Il ne faut jamais relâcher parce que c'est... C'est pas un cadeau, tu travailles pour. Oui, et puis c'est jamais acquis en fait. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Non. Donc ça c'est un métier et je pense même que... Tu vois, souvent, moi, ça me rend triste de voir, par exemple, j'ai des amis qui travaillent en entreprise à 50 balais, 45 balais même parfois. Tu sens qu'ils te disent qu'on les commence un peu à les mettre au placard, tu vois, ouais. Qu'on commence... C'est... Ils commencent à être vieux, là, selon... Ouais, dans leur boîte et tout ça, mais c'est d'une injustice totale, c'est d'une bêtise incroyable. Et en plus, ces gens-là ont la connaissance, c'est fou. C'est ils ont la connaissance, ils ont l'énergie, ouais. Ils sont là ouais. En pleine force... Ouais. Et c'est mais bon voilà ça c'est... et peut-être que le métier artistique c'est peut-être un des rares métiers où tu vois où on te met pas au placard peut-être pour les femmes si hein, c'est les femmes oui. Pas de fleurs immortelles, un rayon de soleil berce le démon qui sommeille en moi. Sur la neige éternelle, un rayon de soleil berce le cadavre vermeil près de moi. Alangui, criminel, ici je me repose dans l'herbe charnelle. Pas de vaines paroles, le chant de la rivière berce le démon qui se terre en moi. Belle gondole, le chant de la rivière berce le cadavre de pierre et de bois. Assouvi, sensuel, ici je me repose dans l'herbe charnelle. Morsure mortelle. Pas d'infini regret, le vent de la forêt berce le démon qui se tait en moi. Elle était mon secret, le vent de la forêt berce la démone qui dort dans mes bras. Assoupi, solennel, ici je me repose dans l'herbe charnelle, charnelle, morsure mortelle. Pour les comédiennes. Il n'y en a pas beaucoup de rôles de mamie. Bah, le problème des écritures de scénarios, c'est que tu as beaucoup de rôles pour les femmes 20, 30, alors, début 40, quarantaine, ouais, c'est début ça. Quarantaine. Et après tu les retrouves à 65, 70 balais parce que c'est les rôles. Et entre les deux, c'est et ça c'est un truc de dingue, parce que il paraît que une Française sur deux a plus de 50 ans dans la société. Ben oui, ben donc oui. Ça veut dire qu'il y a une Française sur deux qui n'est pas représentée. Dans la fiction. Oui, ben oui. Puis en plus, on veut se voir, on veut voir notre vie sur ce. Bien sûr, mais c'est ça qui est génial, c'est de voir qu'à l'image, toute la société soit représentée. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est. Il y a un manque actuellement. Il y a un manque. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Alors on dit parfois que ça progresse un peu, que ça bouge un peu. Mais il y avait des réalisateurs à l'époque qui faisaient jouer comme Buñuel, faisaient jouer des femmes de tout âge. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on dirait que la jeune génération ne veut que de la jeunesse. Ouais. Puis en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens sont vieillissants. Donc les gens qui vont voir des films, c'est pas les jeunes. Les jeunes n'ont pas de thunes, n'ont pas d'argent. Oui, bien sûr. Puis, bien sûr. C'est nous, c'est les bébés boomers aussi. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passera. C'est-à-dire que les femmes de 50 ans et plus. Seront représentés, malheureusement, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, seront représentés à l'écran quand ils auront bien compris que économiquement, les gens qui vont au cinéma et qui regardent la télévision, c'est les plus de 50 ans. Ben oui. Les jeunes, ils regardent plus la télévision parce que c'est même, ce serait être dans le système que de regarder la télévision. Donc les jeunes, c'est, ils ont l'impression d'être anti-système en regardant Internet. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc les jeunes ils regardent plus la télé, ils sont sur des Netflix ou toi, des OCS ou des Amazon et tout ça. C'est ça. Donc très bien. Mais ils n'ont plus les chaînes classiques. Il n'y a plus les chaînes classiques, toi. Quel jeune va regarder le journal de 20h ou enfin toi. Ou le film à 21h sur France 2 ou toi. Ou les chiffres des lettres. Ouais. Qui est quand même quelque chose en soi, qui est un des plus vieux quiz français. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Et donc, si tu veux, les jeunes, bon, bah, le cinéma, voilà, c'est toi, c'est. En fait, c'est la. Les gens qui ont 50 ans, ce sont ceux, globalement, on va dire, qui ont de l'argent. Et ce sont eux qui achètent des écrans télé, qui vont au cinéma, ben ouais. Et qui ont l'argent pour ces loisirs-là. Ou, ben ouais. Tu vois. Et donc, si ces gens-là ne sont pas représentés à l'image. Ben, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça va devenir... Oui, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc, en fait, comme le champ se rétrécit au niveau de l'audimat, ouais. Toi, au niveau des tranches d'âge, ouais. Bon, ben, à un moment donné, c'est clair qu'ils vont comprendre que Et qu'il faut qu'il y ait des femmes de oui, 50 ben et plus oui. À l'écran, oui. Parce que sinon... Il n'y a plus personne. Sinon, cette clientèle-là, entre guillemets, ouais. n'est plus représentée. C'est ça, exactement. Donc, moi, je pense que c'est que économiquement que ça va... Ouais. Ce qui reste au moins, c'est les romans. Les romans, là, on peut jouer sur les âges. Ça ouvre tellement l'horizon que la télévision détruit. Hein, Godard disait que la télévision créait l'oubli. Et c'est vrai, le roman, lui, au contraire, nous donne un univers plus éclaté. Hein, parce ouais. que plus tu lis, plus tu veux... Tu te crées un imaginaire. Et aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Ouais. C'est le constat. Oublie Marcel Proust, là, c'est trop volumineux, il faut un petit livre de 60 pages, mettez quelques images, là. On appelle ça une BD. Hein? Donc, c'est à revoir. Regarde, tu mets un post sur Facebook avec 15 lignes de texte, t'as 15 likes, tu mets ta gueule en photo, tu mets ta gueule en photo. Je sais pas que... Là, tu vois, ici, en train de boire un verre, tu vas avoir 100 likes. C'est ça, exactement. Donc, oui, parce que, en plus, on dit qu'une image vaut mille mots. Voilà. Hey, Olivier, merci. Ben, c'est moi qui te remercie. On attend ton album. Ouais, mais je te l'enverrai. Oui, et suite à ça, j'ai diffusé notre rencontre. Alors, ce n'est que, comme on dit la chanson, ce n'est qu'un au revoir. Ouais. On va se suivre. Quand je reviendrai, on va se revoir, puis on va mettre ça, on va vérifier si tout a été bien structuré selon notre rencontre. selon notre accord. Ah ben, Olivier, j'étais très heureux de te rencontrer. Ben, moi aussi. Et à la revoyure. à la revoyure et qu'est-ce que je veux dire après, moi j'ai un album mais il date un peu maintenant. Hein. Est-ce que tu l'as pris avec toi? Non, c'est pas pris avec moi, mais okay. Je vais te l'envoyer. Oui, mais parfait ça, ouais. au moins t'en as un. Ben oui, j'en ai fait un. Ok. Ben ouais, j'en ai fait un, et il date de 2009, hein, donc... Tu vas m'envoyer ça sur WeTransfer? Ah, attends, c'est con, j'ai pas pensé à le prendre, tu vois, parce que c'est un peu ancien, mais... non, je te l'envoie... Ah, je te l'envoie par la poste. Ok, oui, hein, oui. Quoi? Je t'envoie à l'ancienne. Mon adresse. Ah ben, voilà. Ça arrive, ouais. Parce que sinon, le facteur n'aura plus d'emploi. Voilà. Ah, je vais te laisser mon adresse sur Facebook parce qu'on est rendu amis. Ouais. Et alors, comment tu m'as trouvé, toi? Alors, comment ben, tu m'as... Par le biais de... Aline Stinus, des comédiennes que tu avais dans tes favoris. Il y a des comédiennes et des comédiens qu'on a ensemble. On a 18 contacts. En commun. J'ai vu qu'on avait... J'ai regardé ton Facebook là dans le métro en arrivant. Ouais. Et j'ai vu que t'avais rencontré Sarclo. Oui. Ouais, ben Sarclo, je connais un peu parce qu'on a fait... on a partagé la même salle sur deux Avignon. OK. Ben là, il est parti à Avignon aujourd'hui. Ah, il fait Avignon cette année? Ouais, ben oui, avec 5 autres artistes, donc Garance Aubin. Garance Aubin, il y a un hommage à Gilbert Bécaud aussi. D'accord. En fait, ils se sont loués une salle et ils divisent ça à 5. Tu sais dans quelle salle ils sont? Non, mais je te l'enverrai. J'ai la petite publicité. Ouais. Mais il s'appelle ça éclectique, puisque c'est plusieurs facettes. D'accord. Lui, il fait son hommage à Aldéla. Ah, c'est bien. Tu sais que la première fois que j'ai rencontré Sarclo. Oui. C'était mon premier Avignon, ça devait être en 2008. Ok. Et je l'entends chanter. Et j'ai dit, mais c'est. Tu connaissais pas avant? Je connaissais le nom. Ok. J'avais jamais entendu. Ok. Et j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas, je lui ai dit, mais un jour tu devrais faire un hommage à Dylan. Tu vois? Ah, c'est vrai? Ouais. Mais il adorait Dylan. Puis moi, je lui ai fait un lien en disant que Hugo Frey avait rendu hommage à Dylan. Mais il dit c'est beaucoup trop vieillot, puis je connais Sarclo, puis il m'a dit, ça sent les frais. Il dit, ouais, mais Hugo Frey, c'est un con. Oui, mais c'est un ours, Sarclo. Ouais. C'est un provocateur, c'est un ours. Ah ouais. C'est un mec très gentil, mais, ouais. Mais je sais que... il faut le prendre au bon moment, à la bonne journée. Sûrement, ouais. Ouais. Après, je pense que c'est un gars qui... Sarclo, enfin, moi, ça se passait bien avec lui parce que... Je pense que c'est un gars, il... Mais lui, c'est vivre et laisser vivre. Hein? Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre et ne pas oublier d'être direct avec lui. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il aime ça. Oui, tu oui, vois, oui. Que... Aucune fleuriture, rien, vas-y directement. Ouais. Que tu sois... Je crois qu'il aime bien être qu'on soit un peu rentre-dedans avec lui. Ben, c'est pour ça qu'il m'a mis hier un truc, là, puis j'ai dit « Hey, tabarnak, j'espère que tu vas me donner des résultats... » J'ai dit « Hey, tabarnak, j'espère... » que tu vas nous tenir au courant de ton voyage actuellement. Là. Et puis, tu sais, c'est pour ça que le tabarnak, en plus, ça nous représente tellement bien le blasphème. Hein, et j'ai toujours dit que le blasphème était un manque de vocabulaire. Mais pour lui, c'était juste pour le puncher. Pour, ouais. Pour dire, regarde, on va rentrer dedans, comme ça, il va apprécier ce bouquet langagier. Donc, mais il s'en retrouve sur un personnage. Moi, je l'ai pris sur un très bon moment. Mais il y a des jours où, c'est comme Brigitte Fontaine, il y a des jours où. C'est des monstres, c'est des gens intègres, c'est des gens qui sont eux-mêmes, qui vivent à 100 000 à l'heure et puis... C'est un architecte, hein, Sarclo? Oui, un architecte, mais moi, architecte anarchiste. Ouais, c'est un honneur. Ouais. Hey, je peux-tu prendre des photos? Oui, bien sûr. Okay. Malheureusement, on voit ma boîte, tu les as vues, les photos? Ben oui, mais avec plaisir, hein, carrément. Okay. Juste vérifier ici, parce que ça m'est arrivé à un moment donné de... Ok, parfait, c'est merveilleux. Ok, on y va. Ah, tu veux pas t'asseoir en arrière comme ça? Il faut être à la hauteur. On va en prendre quelques-uns. Ah okay. Oh, ouais, non, toi aussi tu fais ça. Okay. Allez, hop, hop. Deux, ok. Dernière. Ok, merci. Ah, mais c'est sympathique, vraiment. Là. Mais moi, c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de... les artistes qui me disent souvent, ben, il faut que tu en parles à mon impresario, il faut que tu aies voir le match couple-là. Moi, je veux faire ça. Je veux faire ça. Quand j'ai rencontré Sarclo, il m'a pas dit, ah, oh, ben là, il faudrait que tu en parles à. Bon, non, non. Ah oui. Il y a tellement de monde qui a rencontré que. T'as pas de club, toi? Tu fumes pas? Non, non, je suis pas fumeur. Toi, oui, hein? Un peu. Pas beaucoup. Ça dépend à cause du stress. Ce matin, ça a été le stress de ce matin. C'est assez stressant comme. Oui, c'est normal. Pour tout dire, t'en parles pas, mais. T'en parles pas parce que je veux pas que. Ok, attends un peu, je vais faire mimi. À la descente du fourgon, un dragon en pantalon ouvre la porte et nous entrons. Nous sommes des clowns grotesques et moribonds. Alignez-vous en rang d'oignons. Le dragon sort de ses gonds, ouvre la porte et nous entrons. Nous sommes des clowns grotesques et moribonds. Dans ce cirque de l'épouvante, ce cabaret des amérantes, sommes-nous réels? Dans ce décor, sommes-nous réels? Faisons l'effort. Nous sommes plus que des noms, des prénoms, des numéros sous un néon. Dans la légende, nous entrons. Nous sommes des clowns célestes et furibonds. Au bout du jour, plus de saison, le dragon prend du galon. Ferme la porte et nous sortons. Nous sommes des clowns célestes et furibonds. De Notre-Dame des brigands, la Vierge des tueurs à faux tulcans. Sommes-nous réels dans ce décor? Sommes-nous réels? Faisons l'effort. Paul Auster, je marche dans ma ville. Je vais sans but, je passe le temps. Je tourne au hasard des reflets changeants. Paul Auster, je marche dans ma ville. Je vais nulle part au gré du vent. Je cherche du regard, je voyage en passant. Seule la fatigue me dira de m'arrêter. Là, Paul Auster, je marche dans ma ville. Je vais au cœur de Bethléem. Dans ma poitrine bat le cœur de Harlem. Paul Auster, je marche dans ma ville. Au fil de mes pas, je suis le fil de ma pensée. Je voyage dans tes pas. Seule la fatigue me dira de m'arrêter. Boire un café. Seule la fatigue me dira de m'en aller. Me promener. Fatigue me dit.